Alors, Grenoble-Bastille, 18 février vers 14h30. On va se faire les 380 marches de l'escalier des géants. Et c'est parti. Bonjour. Bonjour.